cette tension de toutes les forces visuelles qui font luire, dans un clignement féroce, l'œil du peintre quand il se trouve en présence d'une nature qui l'intéresse, et il s'écria « Quel ton ! Ah, sacristi, quel ton !» Traçant ensuite avec le doigt un encercle isolateur qui enveloppait le front, la joue et une partie de l'oreille, il se parla à lui-même. La beauté de ça, hein ? Non. Mais la finesse, la délicatesse, la modernité de ça, mazette, il n'y a pas à dire. Cet horrible Manet avait vu ça tout de même. Il touchait le nez, dont les narines pincées n'étaient plus que deux petites barres violettes. Le ton de ça est assez inouï. Il indiquait l'ombre sous le menton, une ombre transparente d'un rose bleu infiniment délicat. Et ça, nom d'un chien. Son doigt revenait au front, aux cheveux, à l'oreille. Et le rapport de ça, et l'arrangement de ça, matin, ce que c'était épatant. D'un large mouvement circulaire, sa main se promenait sur la robe, sur le drap chargé de fleurs. Et les blancs de ça, et les lilas, et les gris. Et subitement, il se recula, cligna de l'œil, mesura de ses deux mains l'espace que le motif prendrait dans sa toile, et il disparut. Il revint bientôt, encombré d'objets de peinture. Il installa un chevalet, et il se mit à travailler avec acharnement. Durant toute la journée, on entendit près du corps inerte, verdissant parmi les bottelets de fleurs, que le tapotement de la brosse sur la toile et de temps à autre le chant d'une monotone et incohérente scie d'atelier que Barnès fredonnait d'habitude pour accompagner son travail. Le lendemain matin, dès le jour apparu, il avait repris le travail, se hâtant, fiévreux, maugréant contre le menton de Mathilde dont il ne pouvait attraper la valeur. Mais avec quoi a-t-il fait ce sacré menton ? Et puis tout fiche le camp. Hier c'était lila, aujourd'hui c'est orangé. Allons bon, c'est vert maintenant. Oh, ma pauvre Mathilde, tu ne poses plus comme autrefois, tu sais. Et la joue gauche qui ne tourne pas, et les contours qui se raidissent, nom d'un chien, que c'est embêtant. Ces machines-là, on devrait les enlever dans la séance. Barnès fut interrompu par l'entrée soudaine du domestique. Allons, qu'est-ce encore? Je t'ai défendu de me déranger. Le domestique répondit gravement. « Monsieur, c'est les pompes funèbres. » Barnès éclata. « Les pompes funèbres, il ne manquait plus que ça. Envoie-les au diable. »« Mais, monsieur, répliqua le larbin, c'est pour madame. »« Eh bien quoi, madame, je n'ai pas fini. J'en ai au moins pour 2 heures. Occupe-toi des pompes funèbres, donne-leur à boire, fais-leur visiter l'atelier. Ou plutôt non, écoute. » Il fit signe à son domestique d'approcher, et gaiement, avec une grimace gamine sur ses lèvres, où se retrouvait tout entier le bohème qu'il avait été jadis, il recommanda « Tu leur diras aux pompes funèbres qu'ils se sont trompés de maison et que c'est dans la rue à côté. Mais monsieur, allons, fiche-moi la paix, hein ?» Et il se remit à peindre. Le soir, au retour de l'enterrement, Barnès s'enferma dans la chambre, et longtemps, l'œil sombre, le front plissé, la tête dans les mains, il resta prosterné devant la toile, tout ce qui lui restait de sa chère Mathilde. Au bout d'une heure, comme la nuit venait, il se leva. « Oui, je vois bien tout ce qu'il y aurait encore à faire, » soupira-t-il. « Ça n'y est pas, mais quoi ?» Et regardant le lit vide où quelques fleurs oubliées tristement se fanaient, il ajouta avec un regret suprême « Mais quoi ? Il me faudrait la nature !» Ainsi s'achève la femme du peintre d'Octave Mirbeau.